à l'agneau la gloire bien-aimé, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône encore une fois pour te remercier et te glorifier à l'occasion de ce culte. Les chants de louange ont été élevés à toi. Les prières et supplications ont été élevées. La foi de chacun s'est exprimée. Il est venu le moment d'écouter ta parole. Nous nous dédions à toi au nom de Jésus-Christ. Rends le devant de la scène. Rends le contrôle de tout. Alors que l'homme se met de côté. Manifeste le plus grand don de la Bible. Dieu dans la terre. Traite avec nos cœurs. Avec chaque âme. Et que le Saint-Esprit remplisse des espaces vides qu'il y a devant. Car tu as promis le baptême du Saint-Esprit. Tu as promis la visitation de Dieu. Tu as promis la grande consolation de la terre. Tu as promis la restauration. Nous réclamons ces choses au nom de Jésus-Christ par la foi que tu nous as donnée, sachant que rien ne peut faillir. Mais tout ce que toi Dieu tu as prévu, mais ce que tu as promis, communie avec nos seigneurs et que l'évangile soit clair pour chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Marc au chapitre 1er, dans la cour, au capoeirando. Marc au chapitre 1er, dans la cour, au capoeirando. Nous commençons au verset 14. Nous allons lire le Zomi, Namine, jusqu'au verset 18. Que nous Zomi n'amende. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Nasima na kokangama na Yohane, Yesu akomaki na Galilai kosakola sango malamu na Nzambe, alobi ete, elaka esili kokoka mpe bokonzi na Nzambe ebelemi, bobongola mitema mpe bondima sango malamu. Ezalaki ye koleka na libongo na libeke na Galilai, amoni Simona na Andelea, ndeko na Simona. Bazalaki kobwaka miluba kati na mayi, bambi bazalaki baluki na mbisi. Yesu alobi na bango ete, bobila ngai mpe nakozalisa bino baluki na bato. Luc chapitre 5, verset 16 et 17. Luka, mukapani tano. Molongo ya zomi na motoba, kino zomi na sambo. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Yende akendaki mbala na mbala na lisobe mpe abondelaki. Na makolo moko wana ezalaki ye kolakisa. Bafarisayo mpe balakisi na miboko bafandaki wana. Baoyo bautaki na mboka yonso na Galilai mpe na Yuda mpe na Yerusalemi. nguya na nkolo ezalaki na ye mpe na kobikisa Babeli. Romains chapitre 1, Roma, mokapo yango, versets 16 et 17. Molongo azomi na motoba te zomi na sambo. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bayuda liboso pe bayela lokola pote bayenge bene na nzambe emonisani polele kati na yango bayenge bene na emonisani polele kati na yango bayenge bene na yango bokobikama na kondema bokokenda kino kondema lokola esili kokomama ete bayenge bene akobika mpona kondema. Adieu, bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la maison de Dieu. Prions que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ensemble autour de l'évangile. Et l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. Exactement comme nous l'avons lu dans les Saintes Écritures. C'est cela. Quand Jean avait été livré, avait été trahi, alors Jésus s'en est allé dans la Galilée. La Bible dit, prêchant l'évangile de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'homme, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait aux gens, que le temps est accompli. Répentez-vous. Oyambola. Et croyez à la bonne nouvelle. Bonne nouvelle que lui en aussi. C'est la même que tous les apôtres ont prêché. C'est la même bonne nouvelle. C'est la même que le prophète promis dit à la fin a prêché. C'est la même bonne nouvelle. Qui est l'évangile de Dieu. C'est ce que nous prêchons ce soir. Cette bonne nouvelle. C'est que vous croyez par la grâce. Cette bonne nouvelle, celle à laquelle chacun de nous y est censé pour le présent et pour l'éternité. Dans l'évangile, il y a les promesses de Dieu. Et Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile, c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le mot évangélos. En grec, c'est en français. La bonne nouvelle, traduit par évangile. C'est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu pour ses enfants. Et quand la bonne nouvelle vient, elle est sujet de joie. Elle doit réjouir celui qui est affligé. Elle doit réjouir celui qui est déçu. Elle doit réjouir celui qui était malade. Elle doit réjouir celui qui se croyait perdu. Elle doit réjouir celui qui attend les promesses de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Car il est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Et puis du grec. Bon, nous sommes en train de parler de la deuxième commission de William Branham. Mais s'il y a une commission, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour prêcher le même évangile. Nous avons la capacité que Dieu transfère à son serviteur, à son racheté. Et pour ça, il détermine des tâches particulières. Et des missions précises à chacun. Et il donne des capacités. Appropriez pour ça. On ne fait pas de n'importe quoi. On n'est pas de touche à tout. Dans le royaume de Dieu, il y a des positions précises. Et Christ, c'est celui qui donne à chacun sa position. Il révèle quelle est la position à laquelle lui, Dieu, l'a décidé. Alors après avoir vu l'ange du Seigneur, dans le cadre de cette deuxième commission, et je vous avais dit, et je répète, que cette deuxième commission, confirmée par la descente de cet ange du Seigneur, il était là, elle était en étroite relation avec la région de 1954. William Branham a été transporté là-haut. Placé dans le ciel bleu. Et la commission lui a été communiquée. Fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc on l'a enlevé de la terre où il était, où il devait être la terre angulaire. Un tabernacle terrestre. Un âme tabernacle. Et le Seigneur lui a dit, ceci n'est pas ton tabernacle. Donc les gens peuvent continuer à l'appeler Branham tabernacle. Et commencer même à imiter ça. En fait, le tabernacle commence à porter de plus en plus de noms de leur pasteur. Cela n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix du Seigneur autour de ces événements. Quand Branham en avait un là-bas, on voulait construire sur la terre, et on a appelé Branham tabernacle, et lui-même lui a dit, ceci n'est pas ton tabernacle. Et frère Branham lui-même, quand on a interrogé son opinion sur le nom que devait porter l'église, il a dit, ça ne devrait pas être Branham tabernacle. Donc, Branham donna aussi son opinion. Mais on l'a appelé Branham tabernacle. C'était enregistré au niveau des autorités par le représentant de l'église. Son nom était là et on a construit ici la parcelle. Ils étaient tentés à mettre ça Branham tabernacle. Branham n'a rien à voir avec Si ça devait porter un nom, ça devait être tabernacle du Seigneur Jésus. Ou église du Dieu vivant. Le nom de Branham ne devait même pas figurer là-bas. Voilà. Et Dieu lui-même. Ce n'est pas son tabernacle. Et Branham lui-même. Explique que ça ne devait pas porter son nom. Maintenant, ceux-là qui sont derrière les fanatismes. Alors, comme il y a eu un Branham tabernacle, alors aujourd'hui, on a des renards tabernacles. Il y a un Kombo. Et vous allez m'ajouter tous les autres noms de l'Église. Et dans tout cela, il parle toujours du Seigneur. Mais on se demande toujours quel message ces gens-là légitiment. Ils ne sont juste que quelques citations qui les ménagent. Vous allez connaître ça dans la langue, un tabernacle publicitaire. L'église porte le nom du pasteur. Pour que ce nom-là soit immortalisé. Le seul nom qui bien au-dessus de ton nom. C'est le nom du Seigneur Jésus. Et c'est le nom de Dieu pour l'éternité. Amen. Mais c'est comme si ce nom-là ne vaut pas la peine d'être publié. On considère qu'il est déjà populaire. Mais maintenant, il faut que chacun vienne avec son propre nom. Il faut se faire connaître aussi. Même quand on l'aura enterré, il se souviendra toujours de son nom à lui. Parce que c'était lui, semble-t-il, qu'il y avait construit sa vie. Il y avait de toi. Non, non, ne signifie rien. Le seul nom qui mérite d'être vanté. Répandu. D'être prêché. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne vous entends pas ici, là. Le seul nom. Le seul nom. Le seul nom. Nous avons lu dans Zacharie 14 ici. L'éternel sera le seul éternel. Et son nom et sera le seul nom. Alors, où sera Branham Tabernacle? Renard tabernacle. Renard tabernacle. Qui dit tabernacle? Qui dit tabernacle? Qui bout de bout dit tabernacle? Bout bout dit la commune. Il faut à la façon. Et à quoi ça sert à rien? Est-ce qu'on est croyant du millénium de l'ennemi à Satan? Nous sommes en train de faire du fétois dans les sanctuaires religieux. Parce que simplement nous sommes de notre temps. Alors nous devons faire parler de nous partout. Frère, nous devons revenir à l'ancien évangile. Dans l'église du début, on ne faisait pas la propagande de nom des serviteurs. À Corinthe, une telle tentation a commencé. À travers le messager Paul, il se réclamait de Paul. Mais qui est mort pour vous? Paul, aujourd'hui, on les laisse prospérer. Parce que les gens ont abandonné la foi au tabac. Ceux qui sont dans les dénominations, loin de la foi authentique, ont encore une chance s'il faut l'appeler chance. Dans la parole de vérité, de se repentir et de se comprendre. Mais ceux qui se pervertissent, et qui se dégrade davantage. Malgré le message qu'il a été fait. Ceux-là reconnaissaient qu'il y a une puissance d'égarement. Il va les enfoncer pour qu'ils finissent la perdition. Parce que si la parole qui sauve, ça a été donné. Pourtant, vous n'arrivez pas à expérimenter le véritable salut. Vous n'arrivez pas à vous conformer aux voies de Dieu. Vous ne pouvez pas vous engourber et vous engourber. Amen. Les gens qui périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand la parole vous est donnée, recevez-la à juste mesure. Ne jouez pas avec le message. Ne jouez pas avec l'évangile. Ne jouez pas avec la bonne nouvelle. Sachez que c'est le seul canal de salut que Dieu vous donne. Si vous avez l'occasion que je vous donne, il n'y a plus rien qui va vous secourir. Que Dieu aide mon frère et ma soeur. Que Dieu aide les églises en notre temps. Les esprits démoniaques. Cela c'est loin du but. Séparez-vous de ces gens-là. Voyez, Philippiens chapitre 2 dit ceci. Au verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel est le nom qui doit être confessé? Par toute langue. La côte le seul nom que l'évangile veut promouvoir. Il est au-dessus de tout nom. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ceci soit respecté. Respectons tous cette vérité et ce principe. Oui. Qu'il en soit ainsi. Si tu veux que ton nom soit connu, laisse que Dieu lui-même ou notre Seigneur Jésus-Christ confesse ton nom à toi devant le Père et les Seigneurs. Il faut que tu sois vainqueur. Il ne faut pas chercher que les hommes confessent ton nom à toi. Il n'y a pas de récompense au ciel. Si les hommes t'ont adoré, c'est tout ce que tu cherches. Cherchons la gloire qui vient de Dieu seul. Apocalypse chapitre 3, l'Écriture dit ceci. Apocalypse 3, le verset 5, celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Laisse que Dieu le fasse, là au ciel, passe la terre. La récompense du vainqueur qui a dû travailler. Il est populaire parmi les hommes. Il est apprécié, désigné comme ça. Peu importe. La récompense est dans la gloire. Et devant Dieu le Père et le Seigneur. Et ton nom à toi sera confessé. Pas par les humains. Mais par Jésus-Christ. Père, pasteur, prédicateur, qui que vous soyez, battez-vous pour avoir cette récompense. Pas pour aller vous implanter dans les cœurs des gens. Et faire de vous-même votre nom très grand. Votre nom n'est rien. Si vous parlez quelque chose, laisse Dieu faire valoir cela au ciel. Pas ici. Ah, voilà, ma belle chère. Au ciel. Tu dis amen. Aimons nous battre selon les principes. Pour rapporter les grandes victoires. Ici dans Luc au chapitre 10, vous vous rappelez encore de notre bénédiction. Oh mes chers amis, écoutez, il peut se faire que vos noms soient connus par les démons. Comme Paul a dit, les démons ont dit dans les sept fils de Séva, nous connaissons Paul. Est-ce que ça fait de vous quelque chose? Ah, ce n'est qu'ici. On a dit, peut-être rejeté moi-même après avoir péché aux autres. Les démons le connaissaient nommément. Ne garantit pas le salut. Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul a le dernier mot. Quand il dit sauvé, tu seras sauvé. Quand il dit rejeté, c'est fini pour toi. Cherchez son approbation. Ne cherchez pas la gloire et la réputation. Voyez là. Il est dit ceci. Dans Luc chapitre 10. Le Seigneur a dit ceci. Au verset 20, pendant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pas sur la terre dans les registres. Mais pas les cieux. Et que quand il sera le temps, Dieu prendra le livre où il y a votre nom. Et il dira votre nom au bout ne peut pas être effacé du livre de vie. Quand le temps de récompense arrivera, le Seigneur qui est le propriétaire du livre ouvrira le livre pour sauver ses proies. Pour t'appeler devant Dieu. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Bongo pona ye, totongo lanzambe mekana masanjoli tango yonso, yangombo mana bibebo bijali kuyango lankombo na ye. Ici, nous ne confessons pas le nom de notre pasteur. Vous n'avez pas de récompense à faire ça. En tant que chrétien ou chrétien, fidèle membre du peuple de Dieu, croyant ou croyant, notre devoir et notre religion, nous devons confesser le nom du Seigneur et son nom qu'il faut faire connaître Paul. Et c'est pour son nom que nous acceptons de souffrir. Et c'est pour son nom que nous travaillons ardemment dans les domaines spirituels. Toi aussi tu aimes ça? C'est pas pour ton nom, mais pour le nom de ton pasteur, de ton évangéliste, de l'apôtre un tel. C'est pour le nom, le seul nom. Seigneur Jésus-Christ. Qui voudra agir comme ça? Pour son nom. Que son nom soit sanctifié dans votre cœur. Nous aimons tellement ça. Dieu est fidèle. Et il vous bénira dans votre fidélité. Envers ce principe, envers sa parole. Il nous faut rester loyal. Tout le temps, chaque jour et partout. Que son nom soit élevé. Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne dans nos vies. Que sa volonté à lui soit faite ici sur la terre. La volonté de l'Église. La volonté des individus. Mais la volonté de Dieu, notre Père. Nous voulons ça. Toi aussi? Okay. Tu aimes vraiment? Oh, c'est merveilleux. Nous n'avons pas d'autre refuge que de nous cacher dans les noms du Seigneur et de nous adonner à lui. Et souffrir pour son nom. Nous estimer heureux en son nom et par son nom. Tout ce que nous devons faire en acte ou en parole, Mais comment les gens peuvent construire une église au nom de leur passé? Et puis vous allez dire, oh les dénominations, mais vous là, qu'est-ce que vous allez dire? Oh les dénominations, vous choisissez même pour nom de l'église, les noms de votre passé. Et vous sortez de quelle forêt? Non. Soyons sérieux. Vous allez prendre votre nom. Tout ce que les chrétiens font. Nous sommes appelés sur la parole. En acte ou en parole. La mission là que nous allons voir. Baptême d'eau. Baptême. Construction de l'église. Nous sommes appelés à service de baptême. Au salon, nous allons les baptiser. Prédication de l'évangile. Nous sommes à Tangualamu. Bénédiction des petits enfants. Nous sommes là-bas à baptiser. Tout ce que l'église fait. Nous sommes toujours allés au salon. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a tombé la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? La doctrine chrétienne. Il y a un beaucoup à la question. Pas au nom de Dieu de Sikatenda. Il y a un combo en Zambia de Sikatenda. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un combo dans le Christ. Tu peux dire amen? Veux-tu garder la parole toute simplement? Donc les esprits des démons dans des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, en train de séduire et d'égarer des militaires spirituels pour les apparences d'humilité. Comment une assemblée du message, un temple du message, comment ça? C'est l'apostasie. Racontez vos témoignages comme vous voulez raconter. Mais les adorateurs de Marie, est-ce que qui vous a dit qu'il manque des témoignages? La puissance du fils de Marie qui a fait qui intervient efficacement, qui fait ceci. Il y a un travail aux gens. Le témoignage. Matatoli. Maman Marie a aussi la migue de Koko. Ah! C'est pas ça. Ce qui compte pour nous, c'est la parole de vérité. La parole de Christ. Tout ce que nous faisons. Cérémonie de mariage. Cérémonie de baptême. Bénédiction des petits enfants. Construction de l'église. Prédication de l'évangile. Prier pour les malades. Parler en langue. Tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. C'est ça la doctrine biblique. Tout ce que vous faites autrement, c'est satanique. Amen. Revenons à la vérité. Vous croyez et vous dites amen. Aimez-vous la vérité? Alors, cette terre, tous ces barbares là, qui se croient élus de Dieu, alors qu'ils sont en train de combattre la doctrine chrétienne, ils agissent contrairement aux principes bibliques. Ils cherchent des échappatoires pour se donner raison. Mais dans le mal, sont ces milliers d'eux. Mais comme il n'y a pas avec les démons, il y a avec les gens fidèles, il y a avec les gens fidèles. Nous disons amen. Nous disons vraiment amen. Dieu vous aime et il vous donne cette matière. Alors, nous parlons de la deuxième conférence. Je me demande moi-même comment je suis venu parler de ces choses ici. Je n'étais même pas dans mon esprit pendant la mort. Cette affaire du nom du Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de dire là, je n'ai rien médité de tel. Nous sommes séparés d'ici dimanche matin. Mais voilà que ça vient vraiment ici. Alors toi aussi profite, prends. Hein. Ça peut t'aider quelque part. Hein. Ça peut t'aider d'une façon. Moi je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Dans ta maison, c'est dans un but. Pour délivrer une âme quelque part. Pour faire croire que la foi de quelqu'un quelque part. Pour agrandir la connaissance de quelqu'un d'autre. Et pour affermir sa capacité de faire. Gloire soit rendue à Dieu. Alors c'est donc, moi je voulais parler ce soir. On a une colonne à propos de ce sujet ici. Je voulais établir le lien, rappeler le lien que nous avons établi. La deuxième commission. En 1986. Avec la vision historique, le mémorable. 1934. Mais voilà là où l'esprit m'amène. Est-ce que vous m'avez entendu dire ça au moment de Brigitte? Son prénom a été transporté là-haut. Et il lui a été dit, ceci n'est pas ton tabernacle. Je vois par où est-ce que l'esprit m'a amené là-bas. Ceci n'est pas ton tabernacle. C'est là qu'une parenthèse s'est ouverte. Il y a même tabernacle. Nous avons un seul nom, il nous suffit. Nous allons nous faire même dans nos actions. À nous les chrétiens. Amen. Amen. C'est amen. Allez, bon go. Maintenant. Comme je vous avais dit, il y a un lien entre cette commission de 1946 et la vision de 1934. L'une était une vision. Le programme a dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Le matin où il devait poser la pierre en l'air. Dans l'état d'Indiana, au sud. Mais l'autre n'était pas une vision. Après la prédication de dimanche. La visitation de cet ange-là, cet homme-là n'était pas une vision. Mais c'était une réalité. Et ce qui s'est passé avec le Brenham, ce n'était pas une vision. Mais c'était une conversation. Amen. Conversation. Alors, si nous prenons la prédication, comme je vous l'avais dit, alors, on dit bonjour frère, au shalom, vous bénir, et nous commençons à dire comment ça va, c'est une conversation. Et ce qui s'est passé entre l'ange du frère et le frère Brenham, le 7 mai 1950, nous l'avons dit et répété dimanche, nous l'avons répété encore pour vous. Et l'on dit, c'était une faux conversation. Mais en 1934, la vision là n'était pas une conversation. C'était Dieu qui montrait et disait des choses à son Amen. Amen. Alors, au paragraphe 153, je le regardais comme ça. Et il a dit, ne crains point. Il était très calme. Et il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange. Vous êtes au courant de la façon dont ma naissance s'est passée là-bas. Et cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Hein? Et alors, l'ange a dit, ta naissance étrange. Inhabituelle. Abraham commence, vous êtes au courant de comment manifester. Ça c'est même lumière ici, était suspendue. Au moment de ma naissance. Et alors il a dit, ta naissance étrange. Et ta vie mal comprise. On fit pour but indiquer que tu dois aller dans le monde entier prier pour les malades. Et il a dit, quel que soit leur état, les malades là pour lesquels nous et dans le monde entier. On ne doit reculer devant aucun état des malades. Je suis citoyen de la commission. Je suis merveilleux message. Je ne regarde pas l'état de ta malade. Quel que soit l'état. J'ai la prière aujourd'hui. Et c'est dans son message. Il y a l'évangile de Dieu. Et pour la vie, je n'ai pas honte de l'évangile. Car l'évangile lui-même, c'est le sens que nous voyons. Il est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Toi et la foi. Quel que soit ton état. Quel que soit l'état de la chambre. Amen. Marc 16, Marc 17 et 18. Pas de limitation. Pas d'exception. Pas de sélection. Toi, prie. Et si tu amènes les gens à te croire, quand tu vas prier pour eux, tu amènes les gens à te croire. Alors, comme nous le disons, rien ne l'existera à te prier. Même pas le cancer. Ceci est infaillible. Amen. Dieu ne change jamais. La foi de Dieu ne change jamais. La foi intellectuelle peut jouer. La foi d'église peut jouer. La foi traditionnelle peut jouer. La foi de Dieu ne change jamais. Amen. Alors il a dit, t'as une chance étrange. Et ta vie mal comprise. Oh, tu pourbites bénédicte. Tu dois aller dans le monde entier. Prier pour le malade. Et il a dit, quel que soit leur état. Attends, le lingue ni va te voir la cosa là. E fanno una possibilità di votare, con bossa non votare, né dolore. Ni agacement, ni jacassement de soi et dedans, ni cheveux, rien ne doit te perturber. Ayez foi dans son message. Il y a dedans la puissance de guérison. Quel que soit l'état, Dieu a commissionné son message. Et Dieu l'a pris et l'a compris. Dieu confirme son message. J'aime ça. Et il a dit, quel que soit l'état, et il a nommé Dieu qui est mon juge le Seigneur. Et il a nommé le cancer. Et il a dit, si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières. Même le cancer. Voyez, il dit, si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à te croire, oh miséricorde, alors j'ai vu qu'il n'était pas mon ennemi. Il a vu que l'ange du Seigneur qui était avec lui n'était pas son ennemi. Peux-tu voir la même chose maintenant? Moi, je n'en colo la biso, aza mungune na yote. Atako, okutani de bangune bele. Awana mokili yabato, bato baso solo koma be. Bali mbole le koma kambo bele. Mais écoute, Dieu est ton Dieu. Zambi, zambi, Dieu est ton meilleur ami. Azale mouninga la malamu. Il n'est pas ton ennemi. Azale mungune na yote. Comprends ça. Osola yango. L'ami, nous avons Jésus, portant nos péchés et peines. Oh, oh, quel privilège d'apporter autour de Dieu, même l'état de ta maladie. Souvent nous perdons la paix, ou en vain, ben nous portons la paix. Il a déjà porté nos douleurs, nous n'apportons pas. Dieu à la prière. Abonne-nous et prouvez tant ta tout. Il y a des troubles quelque part. Perdons jamais pour rien. Mais perdons jamais pour rien. Amenez tout pour nous. À où trouver, trouver la méfide, à mes fidèles qui me partagent nos fêtes. À où j'ai creusé, je connais notre paix. Amenez pour mon Seigneur. À vous trouver, trouver la méfide, à l'effet de la guerre, partagez nos frères. Oh mon Jésus, répondez nos frères. Amenez-nous, faites-vous. Sommes-nous faibles tellement chers, et à la mauvaise chose, que Dieu sauve, et que sauve notre âme, amène-nous, Seigneur, les amis. Le problème, c'est la foi là-bas. La foi là-bas dedans. La foi doit prendre place. C'est vrai. Et je dis qu'il n'était pas mon ennemi. Il était mon ami. Il était mon ami. Pour toi aussi. Pour toi, l'église. Hein? Quel que soit le nombre de gens qui vous haïssent. Vous êtes un meilleur ami. Vous êtes le propriétaire de l'œuvre. C'est son affaire à lui. Oh, béni soit son nom. Il est mon ami. Et je ne savais pas. que j'étais en train de mourir. Ou ce qui était en train de se passer. Quand il s'est approché de moi. Je lui ai dit, eh bien, monsieur, je connaissais des guérisons. Il y a des choses semblables. Il ne savait rien. Mais il vient m'annoncer. Le don des guérisons. Nous aimons Dieu. Il est tellement merveilleux. Et il lui a dit ceci. Paragraphe 55. Et il a dit, même qu'il a été donné au prophète Moïse, deux signes plutôt, pour confirmer son ministère, toi aussi. Il te sera donné. Il te donné des dons. Pour confirmer ton ministère. Ministère que le temps rejette. Mais que Dieu se dispose à confirmer. Le crédulité n'arrêtera jamais. Amen. Amen. Venez ici dans la prédication, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Pas question de douter. Réfier les 8 mètres. Paragraphe 4. Le but pour lequel nous consacrons une soirée aux prédicateurs. Vraiment les gens. J'aimerais amener les pasteurs et les ministres. La guérison divine a été bien des fois mal interprétée. La guérison divine. Et qu'il n'était donné qu'à certaines personnes. Seulement les droits de prier pour les malades. Pour les voir guérir. Mais ça, c'est mal compris. Tout celui qui croit à la guérison divine. A les droits de prier pour les malades. Voyez. Et ça ne revient pas à un seul homme. Pour quiconque Amen. Il y a une âme qui croit ça. Amen. Amen. Amen. C'est pour quiconque. C'est don est donné. Pour appuyer son message. Le ministère de diffusion du message de préparation. Le temps de guérison. Et vous savez que la guérison divine, elle n'a pas évangélisé. La guérison divine, elle n'a pas évangélisé. C'est comme la viande que l'on met sur la maison. La guérison divine. Maintenant, quand Dieu a dit à William Branham, C'était comme un temps mort. Il a dit le réveiller Branham. Il a envoyé l'ange le 7 mai. Il a dit le réveiller Des années sombres de Au service de Dieu. des années sombres. Le tabernacle de Dieu est construit. Mon gombo c'est là que ton gombo. Branham tabernacle. Mon gombo a bien écouté. Plusieurs fois qu'on se fait preuve. Il y a même des gens qui ont tenté de détourner ce pays. Quelle période sombre. Alors, Dieu, comme il appuie ses dons. Même si l'homme est faible. L'incrédulité, la faiblesse humaine n'arrête pas Dieu. Il a encore largué pour tout. Il avait la tango, il est venu pour la guerre. Voilà. A qui ni moi j'ai. Quand on a souffert, il essaye d'approcher le frère Bruno. Il parle sur les frères. Le diable, il fait la tête. Mais je ne veux rien de tout ça. Je ne veux rien de tout ça, au fait. Je ne veux rien de prédication. Et qu'est-ce que je fais moi pour eux? Où est le frère? A-t-il déjà vu l'homme qui continue à aller prier pour les gens dans les garages? Mais son propre grand frère accidenté, il a prié pour son gars, mais Dieu ne le guérit pas. Il a prié vraiment prié. Sa propre femme malade. Il a prié pour sa femme. Il prêche la guérison. Il est guéri de malade. Sa femme meurt. Son propre bébé. Il a prié pour que Dieu guérisse. Mais il est bon, continuons à dire aux gens que Dieu guérit. Il y a de quoi s'affaiblir. Mettez-vous pas à sa place. Si des choses comme ça n'arrivent. Donc Dieu vous oblige d'aller prier. Mais entre-temps, autour de vous, tous les cas où vous pouvez avoir aussi un votre famille à tout. Vigilez. Malgré les prières et les chaînes, et Dieu ne lui explique sur rien. Pendant toutes ces années-là, l'explication vient le 7 mai. Pouvez-vous comprendre ça? Ta vie étrange. Tu es porteur d'un don. En tant que tel, tu as donné un don. Quand on a fait pas toi l'homme le bénéficiaire. C'est pour les autres. Dans ton cas personnel, tu as raté. Mais sache que les dons, c'est pour les autres. Vous allez prendre la source. Tu dois les mettre au service. Vous allez mettre au service la source. Les autres en bénéficieront. En témoignant. Toi-même, tu mourras rongé de cancer. Après avoir conduit des milliers d'âmes, en guérison, par rapport à leur maladie cancer. La totale et la moutonne ont la vie cancer. Mais toi-même là, les dons, tu pourras mourir rongé de cancer. Les dons n'est pas pour toi les profiter. Vous allez prendre un. C'est ainsi qu'on ne commercialise pas les dons de Dieu. Nous ne pouvons pas faire des ministères dans le jeu de commerce. Ou un monde spirituel, une affaire de $30. Aux consolidations prophétiques de $100. Des bêtises. Vous avez reçu gratuitement, dit le Seigneur. Donnez gratuitement. C'est bien ça, mes amis. Vous allez en voir la maninga. Ne faites pas de confusion. Les dons de Dieu sont prédestinés par Dieu. On ne les commercialise pas. On n'en fait pas un gain d'argent. Mais on les met gratuitement au service. Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement. Vous n'avez pas acheté ces dons avec l'argent? Alors, vous ne faites pas payer pour bénéficier de l'argent. Loin de là. Miséricorde. Regardez que la guérison divine est une réalité. Tu crées les délais, c'est pas tes enfants. Même si parfois tu passes par des années sans guérison. Tu sens le noir comme de la brèche. Tu es un hébreu, on ne comprend pas. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas t'oublier. Il se souviendra de tes prières. Il se souviendra des prières de Corneille. De prières de Daniel, le prière d'Anne, Dieu a fini par intervenir. Même le prière de Branham, l'ange est venu finalement. Vous donnez l'explication. Quand t'es éprouvé, non, pourquoi se fait c'est la longue journée pendant qu'il y en a d'autres journées. Quoi que dans les mains sont tombées, oh, plus tard, nos temps, c'est la nuit. Branham aussi a fini par comprendre. Après de longues années, de expérience douloureuse, de perception de tristesse. Mais l'ange est venu. Un jour tu sauras le pourquoi. Un jour tu comprendras. Garde la foi et prêche la condition. Un enfant de Dieu. Ne compte pas tes douleurs. Écoute ton Seigneur. Dans l'expectative. Prêcher le 8 mai 1950. Expectative. Rappelez-vous, la guérison divine n'a pas lieu uniquement quand un évangéliste arrive. Dieu est dans vos églises. Et il est dans vos membres. Il est en vous. Il vous guérira quand vous croirez en lui. Vous n'avez pas à attendre le passage d'un quelconque évangéliste. Dieu n'a pas à avoir un évangéliste. Quand même il le plie. Mais c'est uniquement pour réveiller. Les dons sont destinés à éveiller. Mais le guérisseur est toujours là. Est-ce que tu crois que le guérisseur est toujours là? et que Dieu est dans vos églises. Et il vous guérira. Hier, aujourd'hui et demain, même chose. L'année prochaine, même chose. Dieu est dans vos églises. Et ça aussi, c'est une église. Ceci est une église. Et Dieu est dans. Pour guérir quand vous croyez. Il ne doit pas attendre le passage d'un évangéliste. Il n'a pas obligatoire. Le nom de Jésus-Christ. Comme on a dit dans Luc chapitre 5, verset 17. D'abord le verset 16. Lui, Jésus, s'est retiré dans le désert. Et regardez ce qui suit. Il était homme de prière. Il est retiré dans le désert pour prier. Et quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé là? Un jour qu'il enseignait, il y avait des pharisiens. Et la Bible dit, la puissance du Seigneur s'est manifestée par quoi? Qu'avez-vous lu? Luc 5, 17 ici. Ouais. La puissance de qui? C'est la puissance de qui? Il est écrit, puissance de qui? Puissance de qui? De l'évangéliste, du prophète, de l'église, la puissance du Seigneur. Elle s'est manifestée par des guérisons. La puissance du Seigneur. Elle s'est manifestée elle, par des guérisons. La puissance, elle est de qui? Du Seigneur votre Dieu. Le nom du Seigneur Jésus de nous parler. Votre nom doit être publié partout. Votre nom doit être promis partout. Vous devez avoir la publicité partout. Le nom vient de la Bible. Le nom vient de la Bible. Et toute langue doit confesser. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sa puissance s'est manifestée par des gens. C'est une réalité permanente. Jusqu'à maintenant, Dieu fait la même chose. Jusqu'à ce soir, Dieu fait la même chose. La puissance du Seigneur qui est ici guérit les maladies ici. Toutes maladies. Amen. Toutes douleurs. Amen. Toute souffrance. Toute trouble et chaque affliction. La puissance du Seigneur manifestera pour délivrer ton ventre. Délivrer ta tête. Délivrer ton dos. Délivrer tes chevilles. Délivrer ton cœur. La puissance du Seigneur délivrera son sang. Il y a des infections. Il y a des microbes. Délivrera tes organes. La puissance du Seigneur pour guérir. Il est vivant, il est réel. Amen. Et il vous guérira quand vous croirez en lui. Sans dépendre d'un évangéliste, du passage d'un évangéliste, du passage d'un vase qui a le monde. Tu dis amen? Puissance du Seigneur. Pourtant, humainement parlant, il existe des hommes puissants dont la Bible même parle aussi. Des hommes qui sont puissants. Mais Leur puissance, ce n'est pas ça qui guérit. Qu'ils sont puissants pour ceux qui les reconnaissent comme puissants. Mais ce n'est pas leur puissance qui va guérir qui est. La Bible dit que c'est la puissance du Seigneur. Pas la puissance des hommes puissants. Mais la puissance du Seigneur. Elle là se manifeste pour les guérir. Moi, je fais confiance à la puissance du Seigneur. 1 Corinthiens 6 chapitre 1er. Oh, comme il est merveilleux. Ici, quand il nous a appelés, nous sommes comment, constitués comment ici. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Oh, qui parmi vous qui avez été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Hein? On n'a pas beaucoup de puissance dans l'église. Les hommes puissants existent. Mais la puissance, c'est pas ce qui va nous guérir. Il faut être puissant dans votre famille. Puissant dans la politique. Puissant au parlement. Puissant dans leur parti politique. Puissant dans leur province, leur région. Mais ce n'est pas ce qui va guérir. Pour votre guérison, il faut la puissance du Seigneur. Bande kubota la ibanjo la bino, bato na mayele na nzoto, bavyangani mingi te, bato mingi na nguya peke, bato mingi na mabota na lukumu te. Verset 27. Mais Dieu a choisi des choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Parce que Zambe a poni biloko na bolema na motiliete. Ayotisa biloko na mayele soni penzambe aponi biloko na bolemuka tina mosiliete ayotisa biloko na nguya soni. Nous ajoutons le verset 28 à 29. Pour bâtir. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on a prises, celles qui ne sont pas, pour réduire en ayant celles qui sont. Penzambe aponi biloko bijangi le kumi pe biloko bitolani pe yango bijali. Et c'est biloko misapamba, biloko bijali. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Yangoana Motomoko a conduit au dit tout misa, du bosson en dame de tout. Ces hommes puissants, ces hommes nobles, ils sont là où ils sont là. Pour votre guérison. Vous n'avez pas besoin de ces puissants. Vous allez en bosser, mais de famille. Vous n'avez besoin que de la puissance du Seigneur. Cette puissance du Seigneur est dans l'évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Et pour guérir ceux qui ont le cœur affligé. La puissance de guérison est dans l'évangile. Et Paul a dit, Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Par l'évangile lui-même, il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque le croit. Dieu sauve le corps, il sauve aussi l'âme. Le Dieu qui sauve l'âme, c'est lui qui guérit votre corps. Et son évangile est la puissance. Est-ce que l'église a dit amen? L'évangile de celui-là est la puissance. Et notre foi à nous ne doit pas être basée sur la sagesse des hommes. Le Corinthiens 2, le verset 4 et 5. Nous ne sommes pas venus à vous avec des discours persuasifs de la sagesse. Nous devons se fonder sur la philosophie. Pour obtenir quoi? Pour que votre foi soit fondée sur la puissance. Je veux que ta foi, toi mon frère, toi l'église, nous voulons que ta foi soit fondée sur la puissance. Parce que les hommes puissants, les hommes puissants, qu'ils fassent leur vie. Mais toi, prospère dans la foi. Donc Dieu, pas plus que tous les hommes puissants. Ton Dieu est ta foi. Ça ne vaut plus que tout ce qui fait. Sommes-nous là? Est-ce que nous aimons ça? Oh, mes chers amis, il faut qu'il en soit. Comme nous aimons la vérité. Comme nous aimons tellement la parole. Oh oui, c'est tellement important. C'est vrai. Ici dans Ecclésiaste 10, au verset 20, ne maudis pas les rois, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix et l'animal ailé publierait tes paroles. Voyez, les riches et les puissants. Mais ils n'ont pas leur puissance charnelle, monétaire, vestimentaire, oratoire, qui va guérir qui que ce soit. Il faut seulement la puissance déchaînée. As-tu confiance? Veux-tu expérimenter ça? Oui, Dieu est ici pour ça. Dieu est ici pour ça. Comprenez ça. Il est ici pour ça. Que Dieu te secoue. Que Dieu te secoue. Et qu'il te remplisse sa puissance. Je prends ici dans le sermon la foi. La foi prêchée le 13 août 1961. Sans aller voir. 13 août 1961. Ainsi donc ce matin. Quand vous viendrez pour compter pour vous. La Bible déclare ceci. Ceci est vrai. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi fera quoi? Dieu le relèvera. Et Dieu le relèvera. C'est une promesse si vous y croyez. Donc, voyez-vous, la guérison est donnée sur une base individuelle. Elle l'était aussi au jour de Jésus de Nazareth. Et il ne pouvait pas guérir les gens à l'encontre de leur propre foi. Il disait, je le peux. Si tu crois. Si tu crois. Sur quelqu'un d'autre. Un évangéliste. Rejette la puissance de guérison. Sur un évangéliste. La puissance de guérison est en vous. Amen. Vous allez casser la vie. Amen. C'est vrai. Même pas à moi ici. La puissance de guérison. Pour guérir de la maladie dont tu souffres. Et il est dans le toi-même. Parce que la guérison divine est donnée sur une base individuelle. Ce n'est pas une base paritaire. Mais c'est une base individuelle. Si tu crois, tu la verras. Si tu crois, Dieu te guérit. Et avec ça, et il peut se guérir même sans l'intervention du pasteur. Même sans les prières du diacre. Même sans les visites des membres de l'église. Redonner sur une Et base de Comprends ça. Quand ceci te sera révélé, tu ne vas plus oublier. Balancer. Murmurer. Mais la solution est là. La puissance des guérisons. Elle n'est pas à projeter dans un évangéliste. Pour quelqu'un d'autre. Mais elle est à comprendre connaissant. Amen. Qui est malade ici? Levez les doigts. Il y a quelques maladies. Ceux qui viennent à Bakou na Bokono. Au dire des hommes. Vous voyez tous ces doigts ici. Elle commune à la puissance pour te guérir. Vous guérir. Nous y avons la copie qui s'appelle. N'est pas à moi. Vous allez pas y en gaillotte. Amen. Et en vous-même qui avez. Vous allez partir. N'abîmez pas le tombeau de l'Isaac. Amen. Elle est déjà là. Vous allez tout ouvrir la partie. Mais c'est toi qui ne veux pas l'utiliser. Il y a une personne qui a un mot. Parce que toi-même, tu refuses d'utiliser ça. Dieu te l'a déjà donné depuis longtemps. Il a dit que par ce maîtrise, il a Mais toi, tu refuses ça. Tu veux les solutions de mourir. Tu veux les solutions de dispensaire et des centres médicaux. Ou la parole du médecin. Oui, docteur. En soignant la langue française, vous prononcez le mot docteur. La puissance de guérison est déjà au dedans de toi. Si tu le fais, ce soir même, la maladie va rester ici. Si tu le veux, ce soir même, tu rentres là, là c'est pardonné. Ce qui gagne au Mongolie, n'a l'oubli, hein? Ce qui gagne au Mongolie, au commune m'a préféré, ce magamon a bouffé à ici les mêmes. Amen. Toi, tu veux maintenant me dire, oh, prédicateur, ne dites pas ça. Mais vous sentir rien, mais tu ne dois pas vivre parce que tu sens. Et c'est le canal de la condima. Vous voyez, c'est le prêtre qui est allé auprès du Seigneur. Et le Seigneur, il a fait du bruit, il a fait du bruit. Quel veux-tu que je fasse pour toi? Guéris-moi de la lèpre. Donc lui il a voulu et le Seigneur dit moi aussi je le veux. Dans ton cas, la promesse est déjà là. Il est allé lire le Seigneur pour lui demander une promesse. Donc, il est malade. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a fait fou? Il est malade. Lui demander une promesse. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. La promesse est déjà là. Et la ça est allé où là? Tu n'as pas prié pour qu'il soit. Vous avez fait un peu de la fête à ça et la ça. La promesse est déjà là. Et la ça est allé pour toi là. Avant même que tu le demandes. Il t'a déjà dit, je suis l'Éternel qui guérit. Alors il a donné pour la grâce tout ça va pour la grâce. Amen. Amen. Bon. La promesse est déjà là. Elle ne doit pas faire partie de nos prières. Vous demandez une promesse. La promesse est déjà là. Maintenant c'est toi qui dois faire ça. Par ce maître ici, c'est déjà fait. Est-ce qu'on peut faire une promesse de mon côté? Connaissons-moi Elikia par rapport à la maladie ou la souffrance, on a compris d'un côté, ça mystique trop. Je n'ai plus rien d'autre à te dire. J'ai déjà l'occasion de dire. Prends dans ma parole. Amen. Tout est déjà réglé. Demande pas autre chose maintenant. Mais pas ma cambouane, on peut faire une promesse. Pour n'y avoir pas de soucis, on ne peut pas de soucis. Amen. Si on ne peut pas de soucis, permettez, hésitation, on ne peut pas de Amen. Ngaï n'a pas de soucis. Naboy qui nous comprenna, il est clair, il a déjà donné les promesses, elles sont difficiles. Prière n'a l'air de se promettre pas. Maladie sous gueille, guérison est là déjà. Là c'est la moindre chose. C'est la macamousse, voilà. Voulons-nous? C'est la personne. Rejette la puissance de guérison sur quelqu'un d'autre. C'est un évangéliste. Prenez pas ça. La puissance de guérison est en vous. Elle est en vous. Il met simplement la charrue avant le bœuf. C'est mon pasteur qui a la puissance. Tu es en train de mettre la charrue devant le bœuf. Et rien ne va se passer. Nous sommes inconsolables. Ah, pasteur, nous sommes en train de vraiment. Mais ce qui est ici, c'est là, c'est pour ça les gambas. Tu sais que vraiment, moi je suis foutu, hein. La puissance est en nous. Nous sommes en train de nous. C'est comme incrédulité, là-bas, raisonnement est capina. Le raisonnement des pasteurs de l'époque antiquité. Croyez Dieu. Prenez la parole au mot. Vous m'entendez. Vous avez bien l'envoi. Ainsi donc, mettez-vous simplement à vous abreuver de la promesse de Dieu. Mais là-bas, quoi pour y Bilaka wana. Dengaba ebisa di ozo aïta na katia mou, na katia ver. Maya aïwana melaka. O gombo. Tcha. Sanction kukita. Tout ça, c'est des histoires. La vraie promesse est dans la Bible. La parole du Seigneur c'est la bonne médecine pour ton corps. Mais tu fais tellement confiance à des choses comme ça. J'allais côté la montée, mon amour, comme le lingue. Le jour où on a mauvais sou, c'est un acte à moulin yamaï. La liste, mon acte, ça que son homme est là. Attention, je vous souviens de ça. Et tu fais tellement confiance à ça. J'allais côté la montée, mon amour. Quand le créateur dit par ses maîtrises, il a la montée, la montée, la montée, la montée, la montée, la montée, la montée, la montée, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Non. Pourquoi tu es comme ça? Pour nous, nous allons le dire. Sanjaka n'a pas de Sanjaka. Amen. Bambe Alingio. Amen. Azon Lobelayo. Hein? Mettez-vous simplement à vous abreuver de la promesse de Dieu. Vous dites ça, et bon, mais la vôtre, la canazande. Puissance, c'est la vérité. Pour les alités, Dieu a dit qu'il me guérirait. Dans le bien, tu as vu qui ça va. Pas ce maître sûr que j'ai été guéri. La fin de vie qui ça va. Dites ça. Bon, ben, amen. Vous y êtes. Vous allez penser à la. Savez-vous ce que vous faites? Vous commencez à faire sortir de vous la guérison. Vous allez continuer à le dire, vous allez faire la guérison. Et c'est Fanda Kuna, si vous êtes en train de vous faire la guérison, vous allez vous faire la guérison. Amen. Gloire à Dieu, louange. Et tout. Vous allez vous faire la guérison et Fanny et la guérison et vous allez vous faire la guérison. Et ça, la moustala, et peut-être l'ensemble, n'a pas de connaissance, n'a pas de galabatrice, n'a pas de trouble, n'a pas de passe, n'a pas de mine de tombe. Tout ça, ça va partir. Vous allez vous faire la guérison. C'est tout. Mmh. Et alors, les autres peuvent voir ce que vous avez. Que Dieu bénisse votre foi. Nous aimons bien. Avez-vous dit la relation? L'œuvre d'un évangéliste. L'évangéliste est un pécheur d'homme. Et la guérison qui vient, c'est la part. Nous bâtirons les gens. On y reviendra prochainement. Vous avez deuxième commission de William Ganam. Oh Dieu de grâce. La guérison divine est en vous. Nous disons que nous allons faire une Kanga yango bien. Elle est en vous. Quel que soit votre état. Attends, le que dans son message. C'est réglé. Par la commission de ce message, quel que soit l'état. La prière de la foi sauve la vie. La Scripture l'a dit, l'ange l'a dit à madame. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Cantique Hosanna numéro 101. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, être plus près de toi, c'est le mot, ma foi, être plus près de toi. Ah, dans les jours, comme un fleur ardent, dis-moi près de toi, plus près de toi, ah, dans les jours. Pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray La puissance du Seigneur se manifeste. La puissance du Seigneur se manifeste. Et les cette puissance. L'ange est venu réveiller la commission. Réveiller l'homme qui semblait s'abandonner. Semblait renoncer. Mais quelque chose peut rallumer la foi. Et pour des milliers d'âmes à travers le monde. Béni soit le nom du Seigneur. Prions chaque matin. D'accord avec cet évangile. Hier, aujourd'hui, sa puissance de guérison opère. Et en vous pour vous guérir. Vous allez dire au mot. Vous allez dire au mot. Vous allez dire au mot. Vous allez dire au mot. Vous allez dire au mot. Quel que soit l'état. Attends, le lingénine. Quelle que soit la situation. Attends les tambourini. Quelle que soit la maladie. Attends vos colonini. Il guérit toutes les maladies. Amen. Amen. Dieu bien-aimé, pardonne notre incrédulité. Amen. Pardonne-nous nos doutes multiples. Nous tombons. Nous faillissons de plusieurs façons. Mais tu es le Dieu de miséricorde. Tu as promis de nous faire grâce. Et tu as récupéré les verras pour nous faire grâce. Qu'il en soit ici. Que cela opère dans nos vies. Que cela agisse dans nos vies. Le chemin de notre voyage sur terre. Et besoin de chaque prière. Que court chaque âme. Que chaque maladie. Tout état. À quel que soit. Quel que soit. Console. Péligne. Console et béni. Confirme ta promesse. Manifeste ta parole. Manifeste ta puissance. Pour chacun de ces fils. Guéris l'âme. Guéris le corps. Guéris l'âme, Seigneur. Et fonde notre force et ta puissance. Dans le puissant nom de Jésus. L'unique nom. Qui est au-dessus de tout. Qui est qui doit être promis, propagé partout, respecté partout. Le merveilleux du Seigneur Jésus. Nous prions ici. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous et que Dieu vous bénisse. Nous allons bien la vie.